Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les portes de la salle Renaud Barreau sont ouvertes. Ça en fait des souvenirs au moment où Jean-Michel Ribes passe la main au théâtre du Rond-Point. Après une représentation des Diablogues mise en scène par Anne Bourgeois, l'auteur Roland Dubillard est là, en personne. Je vais le saluer, il me dit « c'est bien ». 10 minutes plus tard, Jacques Gamblin va le voir, il lui dit « c'est bien ». Ariane Dubillard, sa fille, note presque incrédule « c'est rare qu'il soit aussi loquace ». Pour la première du Jardin aux betteraves, du même Dubillard, mise en scène de Jean-Michel Ribes, j'offre à Julie Depardieu une poule. Je suis attablé au restaurant du Rond-Point avec Jean-Michel Ribes qui me fait cette remarque. Ce qui est pratique ici, c'est qu'on peut manger avant le spectacle, après le spectacle et surtout pendant le spectacle. Avant sa dialyse, après sa dialyse, Hélène Ducharne, attachée de presse, est joyeuse, enthousiaste, amicale, marrante. Dans un spectacle, j'évoque le souvenir des Frères Ennemis, célèbre duo comique des années 60-70. J'ai du goût pour l'obsolète, le respect du suranné. Un soir, présent dans le public, André Gaillard, l'un des deux frères, se fait ovationner. Si Teddy Vrignot, qui a disparu mystérieusement le 1er novembre 1984, vient, il ne se fait pas annoncer. Anne Sylvestre, à la fin de « J'ai des doutes », encore dans le souvenir de Raymond Devos, en larmes, est assise dans le hall, chamboulée, touchée par l'hommage que je viens de rendre à son vieux copain disparu. Une matinée, 15h, un dimanche, mon partenaire n'est pas là. On patiente un peu et puis on rembourse les places de ceux qui ne peuvent pas attendre. Mon partenaire s'était trompé d'horaire, il était allé au cinéma. Un bon film, paraît-il. François Hollande, président de la République, assiste à une représentation. Je suis prévenu le matin qu'après les saluts, il y aura un dîner en sa présence. Je suis prévenu l'après-midi que le dîner est annulé, qu'il y aura juste un pot rapide dans le bureau de Jean-Michel. Le soir, le pot rapide dure pas loin de 3 heures. À un moment, Reinhard Wagner, musicien, esprit libre, évoquant le président français au Kazakhstan, immortalisé dans la tenue locale, prononce les mots suivants. L'autre con avec sa chapka. Au Rond-Point, on pouvait croiser Stanislas Nordet et Daniel Gilbert qui, de mémoire, n'ont jamais travaillé ensemble. Alain Delon déboule en salle de répétition alors que nous sommes en train de répéter. Jean-Michel Ribes lui demande « C'est pour une audition ?» Sans doute que si je cherchais un peu, si je me donnais un peu de mal, j'en trouverais d'autres des souvenirs du Rond-Point. Déjà pour ceux-là, pour tous les autres, pour l'invention, l'insolence, le plaisir, la joie, le bordel, le pincement au cœur des comédiennes, des comédiens, quand derrière le rideau, ils entendaient les musiques d'annonce de Louis Dandrel. Merci Jean-Michel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous invitons à rejoindre vos places en salle Renaud Barreau. Merci François Morel pour cet hommage à Jean-Michel Ribes. On vous retrouvera justement au Théâtre du Rond-Point avec votre spectacle « Tous les marins sont des chanteurs » à partir du 17 mai. France Inter.